بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في سورة بني إسرائيل المسمى بالإسراء الفواج نوكتيرن في المسألة الستة بعد المئة في قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما verset 97. Dans le sens où Allah dit que nous allons les traîner faire venir Yom al-Qiyama sur leur visage aveugle, sourd et muet. قال هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما. Donc ce noble verset, dans son apparent, laisse montrer que les kuffars seront amenés à la vie Yom al-Qiyama en étant aveugles, sourds et muets. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك. كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. Et d'autres versets sont venus s'opposant à cela. Comme dans la parole, dans le sens où il dit comme ils entendront et comme ils verront bien le jour où nous viendrons. Le jour où ils nous parviendront. Et ils vont bien entendre, ils vont bien voir. Verset 38, Mariam. كقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها. Et que les مجرمون, les criminels verront le feu et ils sauront alors qu'ils y tomberont. Verset 54, la caverne, al-Kahf. Wa kaqoulihi Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dans sa parole, dans le sens où il dit par rapport des koufars, ils diront oh, notre Seigneur, nous avons vu, nous avons entendu, alors fais-nous revenir afin que nous œuvrions dans le bien. Al-Sajda, la prosternation, verset 12. Donc tous ces versets semblent s'opposer au premier verset. قال والجواب عن هذا من أوجه. Donc il y a plusieurs réponses à comment lier entre ces versets. الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. Donc la première réponse, celle qui est apparue à Abu Hayyan, dans son livre « Al-Bahr al-Muhit », où il dit qu'en fait, cela en réalité a lieu au début. C'est-à-dire, ce qu'il soit aveugle, sourd et muet, cela a lieu au début, lorsqu'il vient de retrouver la vie. Et qu'ensuite, Allah leur rend tout cela, tous ses sens, et que là, ils voient le feu. Ils voient le feu. Et ils entendent son grondement. Et ils prononcent les paroles que Allah subhanahu wa ta'ala a citées d'eux dans les versets précédents. Non, ça c'est la première réponse. C'est au début. En fait, c'est une chose qui a lieu par progression. Al-wajhu thani, annahum la yarawna shay'an yasurruhum wa la yasma'una kadhalika. Wa lan takuna bi hujjatin kama annahum kanu fi ad-dunya yastabsiruna wa lan takuna bil haqq wa la yasma'una. Donc deuxième réponse, c'est qu'en fait, ils ne voient rien de ce qui les réjouit en fait. Et qu'ils n'entendent rien non plus qui les réjouisse. Et qu'ils ne disent pas la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune parole pour pouvoir prétexter ce qu'ils ont fait. D'accord ? Tout comme dans la dunya, ils ne voyaient pas la vérité, ils ne voulaient pas la voir. Alors, qu'ils ne prononçaient pas la vérité et qu'ils ne voulaient pas l'entendre. Là, c'est la même chose. Fil akhira. Wa akhraja zalika ibn Jarir wa ibn Abi Hatim an ibn Abbas. وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره فنزل ما يقولونه يسمعونه يبصرونه منزلة العدم والعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره. Donc plusieurs mufassirun et parmi eux Ibn Jarir et autres et également à leur tête Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Que ce qu'ils prononcent, qu'ils entendent et ce qu'ils voient est considéré comme du néant. Dans quel fait ? Du fait que cela ne leur servait à rien du tout. Ça, c'est le masala qu'on avait cité auparavant. Que ce qui ne te sert à rien est comme une chose inexistante. Ça, c'est dans la masala 7 de ce livre, au début du livre, on l'avait pris. Al-Wajh al-Thalith, troisième réponse. أن الله إذا قال لهم إخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذاك المعنى والصم والبكم. والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. Donc la troisième réponse, c'est que Allah, lorsqu'il leur a dit soyez-y refoulés, c'est-à-dire soyez-y refoulés, c'est-à-dire au feu, et ne me parlez pas. Surat al-Mu'minun, les croyants, verset 108. Allah dit cela aux kuffar. Soyez-y refoulés, c'est-à-dire au feu, et ne me parlez pas. Que cela leur a causé l'aveuglement et le mutisme et le sourdisme, ou l'assourdissement. L'assourdissement en âme. Et cela à cause de la dureté de la peine encourue et du désespoir de trouver un réjouissement par la suite. Cela les a tellement, on va dire, traumatisés qu'ils sont incapables de parler, d'entendre et de voir. Tellement cela les a affectés. وقال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. Donc après Allah dans le sens, pour confirmer la parole citée précédemment, qu'en fait il dit dans le sens et que le décret tombe sur ceux qui ont été injustes et ils sont incapables de parler. Ça veut dire le fait qu'il leur arrive ce qui leur arrive les empêche de parler tant ils en sont affectés et qu'ils ne peuvent parler. Et également ne peuvent voir ni entendre. An-Naml, fourmi, verset 85. Donc là, il dit, ces trois réponses-là sont des réponses, an-Mukaddara, on va dire, sous-entendues, déduites. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.